s'aimer à effacer le temps, mêler le sel avec le sang et ne plus jamais en finir, forcer l'envie pour le plaisir. Il y a l'amour et l'amour fou, celui du corps par-dessus tout, celui qui se donne et se prend, qui se libère quand il se rend. Et puis après, allez encore plus loin. Et puis après, se souvenir. Et tout au bout vouloir mourir. Et puis après, je n'en sais rien. Choisir de ne plus jamais dormir, forcer son corps à en souffrir, et puis s'effondrer dans nos bras, et tout refaire encore une fois. Oh Dieu, que nos amours sont belles, un ciel plus profond que le ciel, une nuit sans lune, firmament, monter et s'y noyer dedans. Plus loin. Et puis après, rassembler, briser les reins, s'aimer au-delà du plaisir, forcer l'envie pour en finir. Et puis après. Je n'en sais rien. Nous verrons bien.